devrais décider ton dragon à venir avec nous. Oh, si c'était possible, mais il est trop niais. Bien, et maintenant, disparaissez. Allez, allez, allez, allez. Oh.